Sa joie redoubla lorsqu'il sut que Fabrice avait eu l'honneur d'exciter la jalousie d'un mauvais garnement nommé Giletti, lequel, à la ville, jouait les troisièmes rôles de valet et dans les villages dansait sur la corde. Ce noble amant de la Marietta se répandait en injures contre Fabrice et disait qu'il voulait le tuer. Ce Giletti était bien l'être le plus laid et le moins fait pour l'amour. Démesurément grand, il était horriblement maigre, fort marqué de la petite vérole et un peu louche. Du reste, plein des grades de son métier, il entrait ordinairement dans les coulisses où ses camarades étaient réunis, en faisant la roue sur les pieds et sur les mains, ou quelque autre tour gentil. Il triomphait dans les rôles où l'acteur doit paraître la figure blanchie avec de la farine et recevoir ou donner un nombre infini de coups de bâton. Ce digne rival de Fabrice avait 32 francs d'appointement par mois et se trouvait fort riche. Il sembla au comte Mosca revenir des portes du tombeau quand ses observateurs lui donnèrent la certitude de tous ces détails. L'esprit aimable reparut. Il sembla plus gai et de meilleure compagnie que jamais dans le salon de la duchesse, et se garda bien de rien lui dire de la petite aventure qui le rendait à la vie. Il prit même des précautions pour qu'elle fût informée de tout ce qui se passait le plus tard possible. Enfin, il eut le courage d'écouter la raison qui lui criait en vain depuis un mois que toutes les fois que le mérite d'un amant pâlit, cet amant doit voyager. Une affaire importante l'appela à Bologne, et deux fois par jour, des courriers du cabinet lui apportaient bien moins les papiers officiels de ses bureaux que des nouvelles, des amours de la petite Marietta, de la colère du terrible Giletti et des entreprises de Fabrice. La fantaisie de Fabrice se changea en pic d'amour-propre. À son âge, les soucis l'avaient déjà réduit à avoir des fantaisies. La vanité le conduisait au spectacle. La petite fille jouait fort gaiement et l'amusait. Au sortir du théâtre, il était amoureux pour une heure. Le comte revint à Parme sur la nouvelle que Fabrice courait des dangers réels. Le Giletti, qui avait été dragon dans le beau régiment des dragons Napoléon, parlait sérieusement de tuer Fabrice et prenait des mesures pour s'enfuir ensuite en Romagne. Si le lecteur est très jeune, il se scandalisera de notre admiration pour ce beau trait de vertu. Ce ne fut pas cependant un petit effort d'héroïsme de la part du comte que celui de revenir de Bologne, car enfin, souvent, le matin, il avait le teint fatigué, et Fabrice avait tant de fraîcheur, tant de sérénité. Qui eût songé à lui faire un sujet de reproche de la mort de Fabrice, arrivé en son absence, et pour une si sotte cause? Mais il avait une de ces âmes rares qui se font un remords éternel d'une action généreuse qu'elles pouvaient faire et qu'elles n'ont pas faite. D'ailleurs, il ne put supporter l'idée de voir la duchesse triste, et par sa faute. Il la trouva, à son arrivée, silencieuse et morne. Voici ce qui s'était passé. La petite femme de chambre, Tchekina, tourmentée par les remords, et jugeant de l'importance de sa faute par l'énormité de la somme qu'elle avait reçue pour la comète, était tombée malade. Un soir, la duchesse, qui l'aimait, monta jusqu'à sa chambre. La petite fille ne put résister à cette marque de bonté. Elle fondit en larmes, voulut remettre à sa maîtresse ce qu'elle possédait encore sur l'argent qu'elle avait reçu, et enfin eut le courage de lui avouer les questions faites par le comte et ses réponses. La duchesse courut vers la lampe qu'elle éteignit, puis dit la petite Tchekina qu'elle lui pardonnait, mais à condition qu'elle ne dirait jamais un mot de cette étrange scène à qui que ce fût. Le pauvre comte, ajouta-t-elle d'un air léger, craint le ridicule. Tous les hommes sont ainsi. La duchesse se hâta de descendre chez elle. À peine enfermée dans sa chambre, elle fondit en larmes. Elle trouvait quelque chose d'horrible dans l'idée de faire l'amour avec ce Fabrice qu'elle avait vu naître. Et pourtant, que voulait dire sa conduite? Telle avait été la première cause de la noire mélancolie dans laquelle le comte la trouva plongée. Lui arrivée, elle eut des accès d'impatience contre lui, et presque contre Fabrice. Elle eût voulu ne plus les revoir ni l'un ni l'autre. Elle était dépitée du rôle ridicule à ses yeux que Fabrice jouait auprès de la petite Marietta, car le comte lui avait tout dit, un véritable amoureux, incapable de garder un secret. Elle ne pouvait s'accoutumer à son malheur. Son idole avait un défaut. Enfin, dans un moment de bonne amitié, elle demanda conseil au comte. Ce fut pour celui-ci un instant délicieux et une belle récompense du mouvement honnête qu'il avait fait revenir à Parme. Quoi de plus simple? Dit le comte en riant. Les jeunes gens veulent avoir toutes les femmes. Puis le lendemain, ils n'y pensent plus. Ne doit-il pas aller à Belgirate, voir la marquise del Dongo? Eh bien qu'il parte. Pendant son absence, je prierai la troupe comique de porter ailleurs ses talents. Je paierai les frais de route. Mais bientôt, nous le verrons amoureux de la première jolie femme que le hasard conduira sur ses pas. C'est dans l'ordre, et je ne voudrais pas le voir autrement. Si nécessaire, faites écrire par la marquise.